Hey. Seigneur Zino, SK. Torturé, pire qu'un pit dans un combat de chat. On séduit des filles qui ont pas de charme. On sévit jour et nuit, tous les petits nous défient, mais leur corps finit sous la chape. La famille, ma batterie, je paie le coup de la charge. T'as trahi, moi je reste toute la jave. La famine m'a pas pris, j'ai le goût de la chasse. Safari, c'est le four à chave. Avant d'être torturé, comme ce gosse qui devant le juge doit choisir entre père et mère. La phobie n'évite pas le danger, moi je suis partagé entre peur et fer. Trop peu se réfère à l'ouverture de l'autre. Beaucoup de coups de mou quand le sort est ferme. Trompé sœur et frère, trop fou pour nous, l'oppresseur est faible. Torturé. Torturé, torturé, torturé, torturé, on est torturé, torturé, torturé, torturé, torturé. Torturé, torturé, torturé, maintenant nos cœurs sont des forteresses. Torturé, zappe la faiblesse quand les fortes blessent. Torturé, maintenant nos cœurs sont des forteresses. Torturé, zappe la faiblesse quand les fortes blessent. En étant torturé, on cravache comme des portugais. Quand ça rappe, on fait fortuguette. Des chants mortuaires, pour les proches que les portuaires. Range tapé orturière, train de vie ordinaire. On crame toute la gare, on trash poulaga. On frame oulaga, on se bat pour la gagne. Ton tas de boug magas, sont pas fous de bagarre. Ça fiche comme fillette. Tu vois les bails, les doutes habitent mon âme. Je pensais pas que la lame sur ma peau c'était. Je serais gêné de te faire payer la voix de mes démons sur un gros CD. Check le procédé, plus facile d'haïr que de trop s'aimer. Grossier mais trop saigné, je cautionnais pas. Bourré de courage comme les rôtes, c'est né obsédé par gros CD, gros CD, les rats. Torturé, torturé, torturé, torturé, torturé, torturé, torturé, torturé, torturé, torturé. Torturé, torturé, torturé, maintenant nos cœurs sont des forteresses. Torturé, zappe la faiblesse quand les fortes blessent. Torturé, maintenant nos cœurs sont des forteresses. Torturé, zappe la faiblesse quand les fortes blessent. Torturé, maintenant nos cœurs sont des forteresses. Torturé, zappe la faiblesse quand les fortes blessent. Torturé, maintenant nos cœurs sont des forteresses. Torturé, zappe la faiblesse quand les fortes blessent. Torturé. Torturé. Torturé.